Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On parlait de basketball, on a parlé avec Pascal Jobin de la NBA tantôt, mais là on va parler de ce qui se passe avec la RSEQ. Nos équipes de Normandie ont très très bien fait, ont gagné même un tournoi en fin de semaine au niveau juvénile. On parle avec François Pasman. Salut François. Oui, bonjour. Oui, on va tomber sur une échelle plus locale du basketball. Oui, plus locale, beaucoup plus locale. Donc, ça a bien été, François, en fin de semaine. Vous devez être quelque part content de voir que... Écoute, c'est un gros programme. Quand tu as pris ça, c'était vraiment à pied levé. Tu menais ça à bout de bras. Puis là, finalement, vous gagnez un tournoi. Ça doit être le fun? Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est tellement motivant de voir les jeunes embarquer. Puis... la victoire qu'on a eue, c'est dans notre catégorie cadet, là, nos secondaires 3-4. Puis, tu sais, on leur explique un peu au début de l'année vers quoi on s'en va, les objectifs. Puis eux, ils ont embarqué incroyablement dans le programme, puis ils ont vraiment mené jusqu'au bout. Puis on l'a vu, là, puis je le répétais, là, la victoire qu'on a eue, en fin de semaine, une super belle victoire, un super match, une exécution parfaite. Là, c'est ça que je leur disais, tout ce que je vous ai répété toute l'année, ça vous a pris du temps à le mettre en application, mais vous avez l'application juste au bon moment. OK. Votre noyau est de combien, à peu près? Pardon? Votre noyau est de combien, votre noyau de joueurs? De joueurs, ben, on parle facilement, là, quasiment 25 joueurs. Hey, c'est bon? De secondaire 1 à secondaire 5. Même secondaire 5, là, à secondaire 1, cette année, on avait beaucoup, beaucoup de jeunes. L'année prochaine, on nous annonce encore une bonne arrivée là, des programmes de basket d'Albanel, entre autres. Là. Fait que non, je pense que ben, ça va de soi, on parlait de NBA d'entrée de jeu, là. Tu sais, les récents succès des Raptors, ça fait parler de basket. Hein. Ben, le monde s'y intéresse, le monde aime ça. Puis les jeunes, paraît... quelque part, c'est le sport qui est le plus pratiqué maintenant, je crois. Même avant le soccer, là. Ah ouais? Ouais, même avant le soccer, donc c'est vraiment les jeunes ont vraiment le. Puis ils veulent pas ici localement, quand tu gagnes des titres, ça doit aider pour le recrutement aussi, là. Oh oui, tu sais, ça parle, tu sais, je veux dire, les jeunes voient les exemples, tu sais, on dira ce qu'on voudra, c'est toujours intéressant. Le but est toujours de participer puis de s'amuser, mais tu sais, quand on accroche des victoires, quand on accroche des bannières, ça fait parler, on voit des photos, les jeunes, ça les accroche aussi, ça c'est sûr et certain. Là. OK. Dis-moi, si on parle un peu des autres catégories, comment ça s'est passé? Juvénile, on a eu une année en Dancy, on a quand même réussi à se qualifier pour le tournoi de fin de saison, on a perdu en demi-finale contre l'équipe là, qui a remporté le championnat, là, une équipe qui était très bien joué, là, qui méritait quand même le titre. Mm. Puis on a perdu en finale consolation, mais on a joué un super match contre la polyvalente Charles-Gravel, qui ont eu une seule défaite dans toute leur année, puis c'était en demi-finale. Puis après ça, on les a affrontés, puis on leur a donné un sérieux match là, qui se termine par environ 10 points, là, mais on était encore à la demi, là, la partie était égale. Là, fait qu'on, les juvéniles ont démontré un sérieux caractère là, jusqu'au bout. OK. Dans les autres catégories aussi, est-ce que... Benjamin, ça a été un peu plus difficile. Okay. On était en mode apprentissage. On s'est pas qualifié. On avait deux équipes. On avait fait un choix aussi, là, où on trouvait ça difficile de couper des joueurs au début de l'année. Fait qu'on a décidé de former deux équipes. Donc, on a dilué un peu le talent, si on veut. Là. Fait qu'avec deux équipes, on n'a pas réussi à se classer pour le 35 saison. Mais, c'est le message qu'on porte aussi. T'sais, en secondaire 1, ils sont encore là pour 5 ans. Fait que, là, l'objectif, c'est de continuer le développement pour le futur. OK. Parle-moi maintenant des filles. Est-ce que les filles, ça va... Tu travailles le développement aussi du basket? On aimerait ça. On essaye tout le temps. On n'est pas assez proche. Là. Juste avant la pandémie, là, on avait un petit noyau de jeunes filles qui arrivaient. Mais là, la pandémie, elle nous a mis nos activités en pause. Puis après ça, puis récemment, je parlais avec... une enseignante en psychologie là, au Cyril-Saint-Lucien. Puis apparemment que la pandémie a eu un impact un peu plus marqué sur les jeunes filles là, qui, point de vue activité et sport, qui ont décroché un petit peu plus là, dans ce genre d'activités-là. Là. Fait que c'est dommage, mais on lâche pas. J'ai une fille d'ailleurs là, qui termine son cursus là, cette année, elle est en secondaire 5, elle est avec nous depuis secondaire 1, elle a toujours joué avec les gars encore aujourd'hui, là, à jouer dans le juvénile. Un petit caractère là. T'es de son athlète. Oh oui, non. Puis encore dans le match là, de dernier match, là, il fallait là, jouer avec, contre le meilleur joueur. Puis une année, c'est elle qui le surveillait. C'est elle qu'on lui a dit de le surveiller, puis elle faisait la job sans problème. Là. OK. Dis-moi, tu t'occupes du baseball aussi? Non, baseball, là, j'ai arrêté un peu parce que là. Ouais, okay. On manquait d'heure dans une journée. Mais sais-tu s'il va y avoir du baseball à Normandin cet été? Il y a une offre. L'offre a été lancée. Okay. C'est toujours de voir le nombre d'inscriptions qu'il va y avoir parce qu'il va y avoir aussi du basket cet été à Normandin. Ils s'organisent du basketball là, pour tous les types d'âge aussi. Fait que, tu sais, dans les petits milieux, souvent, c'est ça le problème. Hein, quand l'offre est large, c'est-à-dire on veut offrir tous les sports aussi pour vraiment de créer une diversité puis rendre un service aux jeunes. Mais c'est les jeunes qui choisissent. Fait que quand les jeunes sont en ligne vers un sport, c'est souvent au détriment d'un autre. Effectivement. François, gros merci, félicitations puis bravo. Merci beaucoup, au plaisir. François Potvin qui s'occupe du basketball à Normandin. Un beau titre en fin de semaine pour l'équipe de Normandin.